Je vous souhaite un très bel après-midi. Il est 13h30, voici Histoire Vivante. Histoire Vivante, en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Aujourd'hui, croire, faire croire. Deuxième épisode, rendez-vous à Valladolid, avec Jean-Claude Carrière, écrivain et scénariste, et nos deux historiens, Carmen Mernan et Bernard Lavallée. Jean-Claude Carrière, la controverse de Valladolid mérite un certain nombre de rappels, et notamment le tout premier, c'est comment naît pour vous ce projet d'écriture ? Ça déborde comment ? Est-ce que c'est vous qui faites la proposition parce que vous travaillez sur ça ? Est-ce qu'on vient vers vous en disant « ça existe, qu'est-ce que tu pourrais bien en faire ?» Ça, c'est très clair. D'abord, je suis hispanophone. Le sujet m'intéressait depuis longtemps, mais je n'avais aucune idée de comment traiter ce que on appelle du côté mexicain la conquête et du côté espagnol la rencontre. Déjà, la terminologie dit beaucoup de choses. Et un jour, en 90, la télévision française m'a demandé si je n'aurais pas un sujet pour célébrer, remémorer le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique en 92. Alors, j'ai dit, donnez-moi 8 jours pour réfléchir. L'habitude de la télévision fait qu'un sujet pareil, immédiatement, vous vous dites, bon, film de télévision veut dire pas de caravelle. Le bateau, hein. Pas de bateau, pas de pyramide, pas d'indien, pas même un voyage de repérage au Mexique. À peine un océan, mais... Oui, un petit... je veux trouver de quoi, il faut que je trouve un moyen économiquement qui puisse rentrer dans le budget. Alors, j'ai réfléchi et je connaissais l'existence de la controverse de Valladolid. C'est Anne Todorov qui a écrit là-dessus un livre assez beau, qui est même très beau sur les autres. L'autre, qui est l'autre ? La conquête de l'Amérique, ça s'appelle. Et je leur ai proposé ça en leur disant, voilà, ça on pourrait le faire parce que ça se situe en Europe, on pourrait faire venir quelques Indiens d'Amérique, tourner presque entièrement en décor naturel dans un couvent, un monastère, ça rentrerait dans le budget, ça pourrait être intéressant. Mais, il y a un mais, ça ne se passe pas en 92. Ça se passe 58 ans plus tard. Alors, ils ont un peu réfléchi, ils m'ont dit, allez-y. Donc, tout est né de l'écriture d'un téléfilm qui devait durer 1h30. En même temps, j'ai écrit un récit, un peu plus long. Et c'est comme ça qu'on l'a connu d'abord. En 99, alors j'ai appris entre-temps que pas mal de troupes de théâtre dans le monde se servaient du scénario pour le jouer. C'était pas fait pour ça. Donc j'ai écrit une pièce qui m'a permis, parce que la télé c'était 1h30 pile, la pièce m'a permis d'y ajouter 20 ou 25 minutes, qui a été créée à l'atelier en 99 et qui depuis se joue pratiquement chaque jour quelque part dans le monde. Donc c'est ça l'histoire matériel. Le Saint-Père m'a envoyé en Espagne pour une mission précise. Mais ce que nous dirons, si je l'estime nécessaire, ne dépassera pas les murs de cette pièce. J'ai vu le roi, il est de cet avis. Prions Dieu qu'il nous accorde ici sa lumière. Mes chers frères, depuis que, par la grâce de Dieu, le royaume d'Espagne a découvert et conquis les Indes de l'Ouest, que certains appellent déjà le Nouveau Monde, nous avons vu s'élever un grand nombre de questions difficiles, que rien dans l'histoire des hommes ne laissait prévoir. Une de ces questions, qui est de première importance, n'a jamais reçu de réponse claire et complète. C'est elle qui nous réunit ici. Ces terres nouvelles ont des habitants qui ont été vaincus et soumis au nom du vrai Dieu. Cependant, depuis une trentaine d'années, des rumeurs se sont répandues en Europe disant que les indigènes de Mexico et des îles de la Nouvelle-Espagne ont été très injustement maltraités par les conquérants espagnols. Ces rumeurs que les ennemis de l'Espagne, l'Angleterre et la France, peuvent avoir exagérées sont parvenues à sa sainteté le pape, qui s'en est montré vivement ému. D'autant plus que ces traitements s'exerceraient au nom de notre sainte religion. Carmen Bernan, historienne, au micro de Jean Leclerc. Carmen Bernan, Jean-Claude Carrière s'est lancé dans ce récit d'abord avant d'en faire une adaptation théâtrale à proprement parler, au centre de laquelle un certain de las Casas, Bartolomé de las Casas, siège. Le personnage a existé. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques couleurs? La famille Lasca, ça, c'est une famille de conversos, donc des gens qui juifs qui sont convertis au christianisme. Et donc, ils sont déjà un peu différents, disons. C'est pas du tout, le prêtre descendant de vieux chrétiens. Et lui, il arrive avec son, je crois que c'est avec son oncle en ce moment, avec un parent. Il arrive d'abord au début du XVIe siècle à Saint-Domingue. Il devient un peu un colon, un encomendero. Au début, il n'est pas du tout dans cette optique de défense des Indiens. Et c'est justement parce que il vit à Saint-Domingue qu'il observe la terrible diminution de la population avec les mauvais traitements, les maladies, etc. De cette décimation, ça le révolte et donc il prend la défense de ces Indiens et surtout dénonce cette situation auprès de la couronne. Et cela va être assez lent parce que c'est tout de même une dénonciation très forte. C'est la première dénonciation et une des plus importantes d'un ordre colonial, il ne faut pas l'oublier. Et ça vient des Espagnols eux-mêmes, d'une partie. Et donc, il n'aura de cesse que jusqu'à ce que la couronne accepte de faire un corpus de loi. S'appelle las leyes nuevas, les nouvelles lois, où justement les gens qui étaient comme lui, encomenderos, c'est quelqu'un qui a sous son aile des Indiens qui travaillent pour lui, et lui a l'obligation de les défendre s'il leur arrive et de les convertir. Ça donne lieu à des abus très grands. Et ces encomiendas, donc ces prérogatives, ces prébendes, étaient héréditaires. Donc il réussit à casser ce système. Enfin, il va être cassé, ça va prendre encore des décennies. Et donc a donné un corpus de loi qui est tout de même très intéressant et qu'on n'a pas au XIXe siècle avec la colonisation européenne. Ça, il faut toujours le dire. On est là. Las Casas, c'est un homme qui sort du Moyen-Âge. On est dans un monde différent. Alors, évidemment, cette agitation, ces dénonciations provoquent une grande discussion à Salamanque, où il y a les personnages de l'Église les plus influents et les plus intelligents, à savoir si cette conquête est licite ou pas. Éminence, il a été dit par notre Seigneur Jésus-Christ, « Je suis la vérité et la vie. » Je vais m'efforcer de dire la vérité sur ceux à qui nous sommes en train d'enlever la vie. Car c'est la vérité, nous sommes en train de les détruire. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Ce que j'ai à dire est si affreux que je ne sais pas où commencer. Il y aurait de quoi remplir un énorme livre. Parlez à vos 13. Depuis les tout premiers contacts, Les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible soif de l'or. Ce métal funeste qu'ils découvrirent accroché aux oreilles des premiers habitants. Il y a déjà plus d'un demi-siècle. Depuis, c'est tout ce qu'ils réclament. De l'or. De l'or. Apportez-nous de l'or. Au point qu'en certains endroits, les habitants des terres nouvelles disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet or? Ils doivent le manger !» Tout est soumis à leur tout. Aussi, les malheureux Indiens sont-ils traités depuis le début comme des animaux privés de raison. Dès la conquête, sur ordre de Cortés, on les marquait au visage de la lettre G, au fer rouge, pour indiquer qu'ils étaient esclaves de guerre. On les marque aujourd'hui du nom de leur propriétaire. Quand ils passent d'un propriétaire à l'autre, on les marque encore et encore. Ces marques s'accumulent sur leur visage qui deviennent comme du vieux papier. Dès le début, on les a jetés en masse dans les mines d'or et d'argent, et là, ils meurent par milliers. Une effroyable puanteur se dégage de ces mines qui sont pires que l'enfer, noires et humides. Les puits sont survolés par des troupes d'oiseaux charognards si innombrables qu'ils masquent le soleil. Vous préparez un livre à ce sujet. C'est exact, Éminence. Et dans ce livre, me dit-on, vous parlez aussi de massacres. Oui, Éminence. C'est par millions qu'ils ont été exterminés. Oui, par millions. Bernard Lavallée, Bartolomé de las Casas va être l'homme des lois nouvelles. Alors il faudrait que vous nous fixiez un petit peu ce que c'est que ces lois nouvelles. Peut-être pouvons-nous en faire rapidement la présentation en disant qu'elles ont pour objet l'intention de protéger les Indiens. Mais que sont-elles de plus? Alors, ces nouvelles lois, qui sont de la fin de l'année 1542, sont prises, il faut le dire, sous l'influence de las Casas. C'est-à-dire que Charles Quint les prend, après avoir écouté, après avoir lu, après avoir reçu Bartolomé de las Casas. C'est un ensemble de lois assez complexe qui a pour objet d'uniformiser, de systématiser et d'harmoniser les législations qui s'étaient accumulées depuis la conquête, car on prenait une loi pour telle région, puis ensuite on en découvrit une autre, on prenait une autre loi, etc. Donc l'essentiel des lois nouvelles, c'est ça, harmoniser et rendre, disons, efficace, de façon assez homogène, la législation américaine. Mais dans ces lois nouvelles, il y en a deux qui sont essentielles et qui vont susciter tous les débats dont on parle à propos des lois nouvelles, ce n'est pas les autres dont j'ai parlé, ce sont ces deux lois. Ce sont deux lois qui prévoient l'avenir, en quelque sorte, des encomiendas. Alors, il faut expliquer ce qu'était l'encomienda. L'encomienda, c'était le fait de encomendar, de recommander, comme on dit en espagnol, un certain nombre d'Indiens, plus ou moins importants, en fonction de la région, ou en fonction des mérites de la personne qui la recevait. C'était à l'origine une rétribution pour les personnes qui avaient participé d'une façon ou d'une autre à la conquête. Les Indiens qui étaient donc recommandés devaient doublement à l'Espagnol qui était devenu leur patron deux choses. D'une part, des tributs ou des impôts payés deux fois par an, à Noël et pour à la fin juin. Tributs qui pouvaient être soit en argent, d'abord en produits de la terre, ensuite en argent. Et aussi, très important, des prestations de services. Mais étant donné le problème de la collusion des intérêts de l'administration et des colons et la faiblesse de l'État colonial, ces règles avaient été évidemment très rapidement dépassées et l'encomienda, comme le montre las Casas, ou comme le montrait las Casas, était devenu le système par excellence d'exploitation souvent mortifère des Indiens. Donc las Casas, dans les lois nouvelles, obtient plusieurs choses. D'abord, il obtient que les membres de l'Église, les membres de la fonction publique, les fonctionnaires ne pourront plus avoir d'encomienda. Et surtout, il obtient que l'encomienda qui avait été attribuée sans autre précision sera désormais viagère, c'est-à-dire qu'elle durera aussi longtemps que vivra celui qui l'avait reçue. Alors évidemment, c'était quelque chose de très important, car les encomenderos imaginaient, comme cela avait été le cas au moment de la reconquête en Espagne, qu'ils seraient définitivement titulaires de ces encomiendas et qu'ils deviendraient la nouvelle noblesse américaine. Or, c'est pas ça qui s'est passé, étant donné les lois nouvelles. désormais, lorsqu'ils mourraient, leurs héritiers n'en hériteraient pas. Quelques années plus tard, par un décret signé à Malines, en Belgique, la couronne décidera que les encomiennes restent viagères, mais qu'on leur ajoutera une seconde vie, c'est-à-dire que l'héritier immédiat de l'encomendaire pourra en bénéficier. On ne précisait pas ce qui s'est passé par la suite, sans entrer dans les détails, on peut dire que les encomiendas se sont perpétuées, mais elles avaient à ce moment-là, je parle du XVIIe siècle, perdu l'importance qui était la leur au XVIe siècle, et par conséquent, cette perpétuation des encomiendas, même si elle n'était pas légale, s'est passée, disons, sans grand problème. De la controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière. Professeur Sepúlveda, désirez-vous intervenir maintenant ? S'il plaît à votre éminence. Puis-je vous poser quelques questions, frère Bartholomé, juste pour essayer de comprendre ? Je vous en prie. N'avez-vous pas senti, très jeune, une attirance pour les nouvelles terres ? J'y suis parti à 18 ans. N'avez-vous pas été plus tard le premier prêtre à être ordonné dans le Nouveau Monde ? J'ai eu cet honneur. N'avez-vous pas tenté vous-même, à plusieurs reprises, de fonder une colonie, de grouper des indigènes et des Espagnols autour de vous et de les faire travailler ? J'ai essayé, à Cumaná en particulier. Et ce territoire de la vraie paix ? C'était plus tard, au Guatemala. Ah, donc après votre ordination ? Oui. Et chaque fois, si j'en crois vos déclarations, vous envisagiez une conquête pacifique. Je déteste le mot conquête. Mais pourquoi donc ? Elle évoque pour moi des entrailles éparpillées, des terres volées, des militaires triomphants. Je préfère évangélisation, civilisation. Donc il s'agissait d'une pénétration pacifique. Exclusivement menée par des religieux, sans aucune arme. À Cumaná, n'est-il pas vrai qu'un échec sanglant s'ensuivit ? Mes associés espagnols se sont révélés des loups enragés, une fois de plus. N'est-il pas étrange que la faute en revienne toujours aux Espagnols ? Que voulez-vous dire, étrange ? Je vous écoutais parler, je vous regardais. Et une chose me devenait claire, que je soupçonnais d'après vos écrits. Depuis le début, ces peuplades vous ont fasciné et séduit. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais on voit bien que vous parlez avec excès. Je parle de ce que j'ai vu. L'excès est dans les faits, il n'est pas dans mes paroles. Cependant, vous savez que des voyageurs très raisonnables et qui, comme vous, sont allés là-bas, ont rapporté des souvenirs tout à l'opposé des vôtres. Il y a des menteurs partout. Traiter l'autre de menteur peut être une insulte. Ce n'est jamais un argument. Vous avez raison, professeur. D'ailleurs, j'ai été moi-même un menteur. Je me suis menti à moi-même. Je ne voulais pas voir la réalité. Jusqu'à ce jour de la Pentecôte, là-bas, où Dieu arrêta mes yeux sur un passage du Livre Saint, où il est dit qu'offrir un sacrifice tiré de la substance du pauvre, c'est comme sacrifier un fils en présence de son père. Alors j'ai vu tout ce que jusqu'alors je me cachais. Il n'empêche que ces témoins, quand ils parlent de vous, disent que parfois vous perdez la tête. Si j'ai perdu la tête, éminence, pourquoi m'a-t-on appelé ici? Pourquoi sollicite-t-on mon avis? Qu'est-ce que je fais parmi vous si je suis fou? Non, je vous tiens pour un homme à l'esprit sain. Mais le propre de l'erreur est de se prendre pour la vérité, nous le savons tous. Et quelque chose en vous s'est brouillé, voilé, s'est dévié de la vérité. Ces Indiens dont vous nous parlez, vous avez été aveuglés sur leur véritable nature. Par exemple? Vous dites avec insistance qu'ils sont doux comme des brebis, mais s'ils sont comme des brebis, alors ils ne sont pas des hommes. Qui peut dire que l'homme est doux? Mais le Christ le dit, il ne cesse de le dire. Si on vous frappe, tendez l'autre joue. Non, il ne dit pas que nous sommes doux, il dit que nous devons nous efforcer de l'être. Et il dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Christ aime ce combat, il aime cette conquête. Sinon, croyez-vous qu'il aurait permis ce nouveau massacre des innocents? Et pourquoi donc l'a-t-il permis, à votre avis? Je vais vous le dire. D'abord, les Indiens méritent leur sort, parce que leur péché et leur idolâtrie sont une offense constante à Dieu. Et il en est ainsi de tous les idolâtres. Les guerres que nous menons contre eux sont justes. Mais de quel péché parlez-vous? Et pourquoi Dieu, à qui tout est possible, aurait-il échoué dans son entreprise de les convaincre? Non mais qui est brouillé ici? Qui est aveugle? Je vous pose une question. Ce jeune garçon dont vous avez parlé, à qui un soldat perça le ventre et qui tenait ses entrailles à la main, vous l'avez vu? De mes yeux vus. Et qu'avez-vous fait dans cette occasion? Je l'ai rattrapé, je lui ai vite parlé de Dieu, du Christ, comme je pouvais, je l'ai baptisé. Il est mort dans mes bras. Ah, le salut de son âme vous a donc paru important? Évidemment. Je ne pouvais rien sauver d'autre. Éminence, je retiendrai d'abord ce point-là. Le salut de l'âme. Vous supposez donc qu'ils en ont une, professeur? Je reviendrai naturellement sur ce point. Auparavant, il me faut rappeler un certain nombre de faits que l'émotion de mon adversaire a pu masquer. Nous vous écoutons. Je pose d'abord la question générale. N'est-il pas établi, n'est-il pas parfaitement certain que tous les peuples de la Terre, sans exception, ont été créés pour être chrétiens un jour? Oui. Cette vérité est établie. Et que nous devons tout faire pour les mener à la vraie foi. Cela ne peut pas se discuter. Tous les êtres humains sont prédestinés à être chrétiens un jour. Même les ignorants, même les barbares. Ils font tous partie du corps mystique du Christ, car la religion chrétienne est une voie universelle. Elle est le plus haut bienfait qu'on puisse apporter à chacun des peuples, puisqu'elle assure le salut éternel. C'est véritablement vrai. Nos frères franciscains soutiennent même que le règne de Dieu sur la terre est proche, que le bonheur céleste va bientôt se manifester. Le retour en Espagne pour Bartolomé de las Casas a à voir avec plusieurs objectifs, m'a-t-il semblé, à la lecture de vos lignes, Bernard Lavallée, et notamment son souci de former, une nouvelle génération de prêtres dans la perspective de l'évangélisation de l'Amérique latine. Est-ce que vous pourriez nous donner là-dessus quelques détails? Oui, alors effectivement, vous faites allusion au retour de Las Casas en Espagne, un retour un peu précipité, un peu en catastrophe, puisque, disons-le très clairement, il a opté pour fuir son évêché du Chiapas, dans le sud du Mexique, et donc il est arrivé un peu en catastrophe en Espagne, contrairement d'ailleurs à ce qu'il aurait dû, puisqu'en tant qu'évêque, il aurait dû rester sur place. Donc, Las Casas arrive dans une situation, assez fragilisée pour lui, mais il faut toujours se souvenir qu'il a l'oreille, qu'il a l'appui de Charles Quint. Il n'y a pas de Las Casas sans Charles Quint, on l'oublie trop souvent. Et donc, dans cette situation de retour précipité, j'ai dit en catastrophe, dans un premier temps, il entrevoit une manière d'agir dans la formation d'ouvriers, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de missionnaires, moins la formation que le choix très précis des missionnaires. Pourquoi? Parce que, il faut bien le dire, nous sommes à la fin des années 1540, déjà l'élan très important, très vivace et enthousiaste des prêtres espagnols pour aller travailler comme missionnaires en Amérique, cet enthousiasme commence à s'affaiblir, à se refroidir, ou à s'attiédir en tout cas. Et donc, son idée, c'est qu'une des façons en Espagne d'agir pour qu'une évangélisation plus humaine et plus juste ait lieu, c'est donc de choisir plus précisément, avec plus de soin, éventuellement avec plus de formation, des missionnaires de son ordre, puisque, comme on le sait, Las Casas était dominicain. Et donc, dans les premières années, les années qui suivent son retour en Espagne et qui précèdent la controverse de Valladolid, son travail va être un travail de choix et de formation missionnaire. Mais il va être très rapidement rattrapé par un autre contexte, qui est celui d'un changement qui est intervenu dans la deuxième moitié des années 40 avec l'apparition de quelque chose qui jusque-là n'avait pas existé, à savoir que jusque-là, Las Casas avait été pratiquement le seul à parler de l'Amérique et donc à défendre les Indiens. Or là, depuis quelques années, le contexte a changé car il n'est plus le seul à avoir une voix importante quant à l'Amérique, mais disons, un nouveau personnage est arrivé avec une perspective et une philosophie complètement différentes. Et c'est là que nous arrivons à la préparation de la controverse. Carmen Bernand, historienne, au micro de Jean Leclerc. Sepúlveda est aussi un homme d'église et Sepúlveda, il est un peu le défenseur des institutions. Or, il se trouve que une partie de cette documentation de Sepúlveda, qui lui, il fait une controverse avec Las Casas pour défendre le point de vue de l'église et de l'utilité de cette conquête. Une grande partie de cette documentation vient d'être étudié, était en latin dans les archives du Vatican. Alors il y a quelqu'un qui a fait un travail là-dessus et qui montre qu'il est plus nuancé, ce n'est plus tellement le type pervers qu'on imagine. Bon, il a ses positions que peut-être ne sont pas les nôtres aujourd'hui, mais il a toute une série d'argumentations, disons que ce personnage a été un tout petit peu réduit. Mais ce qui est intéressant tout de même, c'est cette controverse, c'est ce travail de Las Casas, très important, qui se double de non seulement de son pamphlet qui est connu sur la destruction des Indes, mais se double d'une histoire universelle où il place les Indiens. Il est un érudit aussi, alors on a tous les Égyptiens, les Grecs et les Aztèques, et donc il construit une histoire mondiale plaçant ces peuples-là à la hauteur de les peuples de l'Antiquité. Et là, c'est aussi extrêmement intéressant. Ce sont des documents qu'on lit moins. On a tort. Notre épisode était aujourd'hui intitulé « Rendez-vous à Valladolid » avec Jean-Claude Carrière ainsi que nos historiens Carmen Bernand et Bernard Lavallée. Avec enfin dans le rôle de Bartolomé de Las Casas, Mauro Bellucci, dans celui de Juan Martín de Sepúlveda, Frank Semley et dans le rôle de l'archevêque Charles Vogt. Demain la suite avec un nouvel épisode intitulé « Les visions du monde ». Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, avec la collaboration d'Isabelle Barthes, Christian Morero,